essaie de voir en ce moment la famille de Grenoble. Non, mais... Grenoble. Voilà, frère. Ah, les gars, je crois que j'en ai marre. Ça un moral fou, franchement, un moral fou. Mais ça y est, t'arrêtes. Non, c'est vrai. Okay. Les gars, mariez-vous. Non, les gars, le meilleur, vous savez ce qu'on fait? Je rentre en vite fait, je me change. Hein, et jusqu'à part. Ouais. Tu sors sûr? T'es sûr? Non, t'es qu'un. Vas-y, cours, ta femme. Non, t'es qu'un, t'es qu'un. L'antidote, la famille. Le Vice Music. Le Vice Music. Mais faut que t'oublies, j'suis pas dans le game. Le vice c'est la méchanceté, non plus de secret pour moi. Combien de fois j't'ai menti, tu peux les compter par centaines. Un jour j'essaierai t'aimer pour voir, mais pour l'instant souffre, dis-moi combien tu m'aimes. Je sais que j'finirai seul et même tout seul j'serai pas fidèle. Où est celle qui me fera changer, passer au plan B. En attendant souffre, dis-moi combien tu m'aimes. Elle me demande pourquoi je lui dis pas je t'aime. J'ai pas le temps, j'ai des potes en bas. J'suis pas parfait, même loin de l'aide. J'ai souvent fait le con, j'sais que des fautes y'en a. Et j'fais crever de la perle rare. Pourtant on est beaux tous les deux. Mais l'amour ça fait piquer les yeux. Moi j'préfère baiser avec le diable. J'ai pas répondu à ses appels. Elle me fait une scène, elle crie, fait la belle. J'l'envoie val si j'prends mes affaires. Elle me prend par le bras, ça me fait de la peine. J'pense que l'amour et moi c'est foutu. J'aurais qu'à aimer mes potes. Et même après des années de muscu, pour une femme j'aurais jamais les épaules. Ce soir je sors, ne m'attends pas. Je rentrerai à l'aube. Elle m'imagine avec une salope. J'suis en studio. J'fais un attentat, j'ai pas le temps, j'ai pas le droit de te dire je t'aime. J'ai peur de devenir toi, j'ai peur de devenir faible. Toi tu voulais les câlins, les bisous, l'attention, les mots doux. Les poèmes et les déclarations, les petits déj le matin pour moi c'était beaucoup. Avec moi tu voulais le paradis, mais t'as compris que c'était l'enfer. Tous les jours tu voulais du love, pendant que moi je préférais en faire. Tu me voudrais comme mari, mais faut que t'oublies, j'suis pas dans le game. Le vice c'est la méchanceté, non plus de secret pour moi. Combien de fois j't'ai menti, tu peux les compter par centaines. Un jour j'essaierai t'aimer pour voir, mais pour l'instant souffre, dis-moi combien tu m'aimes. Je sais que j'finirai seul, et même tout seul j'serai pas fidèle. Où est celle qui me fera changer, passer au plan B. En attendant souffre, dis-moi combien tu m'aimes. Combien tu m'aimes. Tes copines disent que je te mérite pas, ne les écoute pas, elles ont raison. J'ai pas d'amour à donner, des fois je me rappelle plus ton prénom. Les sentiments et moi c'est fini depuis que mon cœur m'a dit tu l'es. Combien de fois je t'ai menti, combien de fois je t'ai manipulé. Tu te sens pas bien dans mes bras, t'es pas bien avec moi, t'as peur. Il paraît que l'amour rend aveugle, donc laisse-moi aller voir ailleurs. Me prends pas la tête, me rends pas fou si je réponds pas aux appels, aux textos. Encore un soir où t'es seul au resto, si tu me dis je t'aime, je disparais dans la foule. Je veux pas donner mon cœur, qu'il passe de la pierre à la glace. Je suis pas un mec bien, je veux passer chez tes larmes, je veux pas me mettre à ta place. Je sais que tu mérites le bonheur, je suis pas le seul qui le croit. T'iras nulle part avec moi, sois malheureuse ou quitte-moi. Mais faut que t'oublies, j'suis pas dans le game. Le vice c'est la méchanceté, non plus de secret pour moi. Combien de fois j't'ai menti, tu peux les compter par centaines. Un jour j'essaierai t'aimer pour voir, mais pour l'instant souffre, dis-moi combien tu m'aimes. Je sais que j'finirai seul et même tout seul j'serai pas fidèle. Où est celle qui me fera changer, passer au plan B. En attendant souffre, dis-moi combien tu m'aimes.